Chapitre 4. Longtemps on a pu suivre des yeux le canot de sauvetage. De temps en temps il apparaissait entre deux vagues, enveloppé de la neige des embruns, luttant de ses avirons qui battaient souvent à vide. Avant de tourner la pointe du Grand Gouin, il a pu mettre à la voile. Il a dépassé les récifs du Toulinguet et s'est enfoncé en plein Atlantique, diminuant peu à peu, tout à l'heure, coquille de noix, à présent point perdu dans l'espace, puis des brumes l'ont saisi, encotonné et plus rien. Le drame se passe là-bas, derrière un rideau de nuées épaisses qui sont tombées du ciel, envahissant l'Iroise, traînant leurs voiles de crêpe entre la terre et la chaussée des pierres noires. Rien que ce tapage énorme, incessant, des lames se brisant tout le long des côtes, rien que ce continu mugissement du vent, soufflant en foudre. De temps en temps, une trouée se fait dans les brouillards, mais si courte, si passagère, qu'on distingue à peine quelques secondes le bâtiment en détresse, et que nul ne saurait dire si les sauveteurs ont pu le rejoindre. Une à une, les heures glissent, sans que la tempête diminue de violence, d'intensité, et malgré le grand jour, qui est tout à fait venu, le temps reste aussi sombre, aussi lugubre, si bien que cette tristesse de la nature semble à plus d'un présage de mort et glace les cœurs les plus énergiques. La journée s'avance. La mer, après s'être retirée très loin, laissant tout le port à sec, reculant jusqu'à la cale voisine du phare, revient, remonte plus rapide, avec son même grondement de furie, son même échevellement des vagues. Au large, toujours rien. Une nuit anticipée de mauvais augure, quelque chose de fatidique et de mystérieux, comme une barrière dressée, séparant ceux qui sont restés de ceux qui sont partis, sans marchander leur vie, pour sauver ces autres vies en péril. Il semble que tout soit fini. Un deuil immense écrase le petit port. La stupeur des grandes catastrophes pèse sur chacun. Tout travail est suspendu. Les plus faibles restent dans les maisons, sans force, anéantis d'un tel désastre. Les autres vont et viennent sur le quai, parcourent la jetée, grimpent sur les falaises à pic du Grand Gouin, atteignent le sémaphore de Penhat, poussent même jusqu'aux escarpements avancés du Toulinguet, cherchant à voir, se refusant à perdre tout espoir. Dans les bouches, un seul cri. Le canot est perdu. Il y en a qui énumèrent les noms de ceux qui le montent, des 10 canotiers de Corentin, accompagnant chaque nom de celui de la femme, du nombre d'enfants, des veuves, des orphelins, des foyers déserts. Ces pitiés montent, grossissantes, autour de celles qui ont là-bas un mari, un frère ou un père. Seul, Jean-Vincent Corentin Garec est célibataire. Une voix le fait remarquer. Il ne laisse personne derrière lui, au moins. Mais une femme objecte, révélant pour la première fois le secret d'un amour qui commence à transuder dans Camaret. « Et Marianic Givarc ?» Héroïque, le visage pâle, les yeux rouges, retenant les larmes qui lui gonflent le cœur et soulèvent convulsivement sa poitrine, Marianic, depuis le matin, est sur pied, ne quittant la base du phare où elle l'a aperçu pour la dernière fois, que pour aller s'asseoir sur les blocs énormes du Grand Gouin, les mains jointes en une pose de prière, ses prunelles sombres fouillant le mystère du lointain. Quand tous autour d'elle sanglotent et poussent des gémissements de désespoir, elle seule, résistant, espère encore, espère toujours. Elle songe, l'âme assombrie, vaillante quand même, se disant qu'il est revenu constamment victorieux de cette lutte avec la mer, que cette fois aussi il reviendra. Il l'aime trop pour ne pas vaincre, pour ne pas s'arracher à ce dévorant océan, pour ne pas accourir au-devant de celle qui voudrait enfin avouer sa tendresse pour lui. Vainement, son père a voulu la faire rentrer à la maison pour qu'elle prît un peu de nourriture, pour qu'elle se reposât. Elle a répondu, un sourire voulu sur ses lèvres blêmies. « Est-ce qu'ils se reposent, eux? Est-ce qu'ils songent à manger, eux ?» N'osant pas dire que, parmi ceux-là, un surtout la préoccupe, un seul l'attire vraiment. Son énergie a redonné une sorte de courage au troupeau de femmes affolées qui l'entourent, qui la suivent, qu'il admire et s'attache à elle comme à la consolation suprême. Des paroles d'espérance flottent maintenant dans la bouche de ces désespérés. Peut-être ont-ils attendu le retour de la marée? Ils auront gagné le Conquet? Béniguet est plus près que Camaret. Ils sont à Molène ou abrités dans l'anse de Berthaume. Mots de soulagement, croyances réconfortantes, baume adoucissant qui vient calmer un moment toutes ces plaies vives du cœur et de l'âme. Il semble à ces infortunés que cela doive porter bonheur de parler ainsi, et des invocations se mêlent à ces remarques, des appels à la Vierge, des vœux, des promesses d'aller en pèlerinage à Sainte-Anne-la-Palude, à Notre-Dame du Folgoat, à Auray. Tout à coup, Marianic, penchée sur l'abîme, le bras droit étendu, désigne un point presque invisible vers la pointe Saint-Mathieu, entre le coq et la basse Bezec. Regardez ! Balanec, la lunette au poing, déclare « Le canot, sauvé !» Ce sont eux. Peu à peu, le point se rapproche, grossit, bondit entre les montagnes d'eau où s'engouffrent ses voiles, et bientôt on peut distinguer parfaitement la tête des sauveteurs. La mer consent à lâcher sa proie. Pierre Guivarc se frotte vigoureusement les mains. C'est pourtant sur ces mauvaises pierres que, dans la nuit du 18 décembre 1869, s'est perdue la Gorgone, corps et biens, avec le lieutenant Mage et 80 hommes d'équipage, des chiens de cailloux tout de même. Il est 4 heures, la tempête commence à diminuer. Les canotiers, en deux sur leurs avirons, nagent vigoureusement pour aider à l'action de la voile, et déjà on peut exactement fixer le moment où ils entreront dans le port. Il y a plus de 10 heures qu'ils sont en mer, et une émotion puissante emplit toutes les poitrines en les voyant de retour après les avoir crus perdus. Maintenant, tous sont à la joie du triomphe remporté, du nouvel acte sublime qui honore Camaret. Orgueilleux du bel orgueil des dévoués, en face de ses compagnons qui viennent ainsi de risquer leur vie, il leur semble que tous en soient, qu'eux aussi aient pris part à l'acte de dévouement, tellement ce sentiment est profondément ancré dans leur cœur, tant leur paraît naturel ce fait merveilleux. Donner sa vie pour la vie d'un semblable, pour celle de l'inconnu, pour celle même de l'ennemi. Type de la bravoure simple et sans emphase, fameux par ses nombreux sauvetages qui lui ont valu tous les diplômes et toutes les médailles, tonton Corentin est là, debout à l'arrière, tenant toujours la barre de la même main infatigable et dirigeant adroitement le canot à travers les vagues bondissantes. Au moment où il double le phare, avant de longer la jetée et de rentrer dans le port, il a le temps d'apercevoir au premier rang, penché sur le parapet, Maître Guivarc et sa fille. Il agite à bout de bras son suroît, jetant d'un cri qu'on devine plus qu'on ne l'entend distinctement dans la grosse colère continuante du vent et de la mer. « Marianic !» Suffoquée de joie, elle murmure tout bas. « Corentin !» Le premier aveu au grand jour, à la face de tous, du tendre secret enfermé au fond de son cœur. Déjà le canot, ses voiles carguées, file sous les bras robustes qui pèsent sur les avirons, et l'on constate qu'il ramène des naufragés, dont les uns aident à la manœuvre, les autres sont étendus, inertes, au fond du bateau. Il coupe droit à travers le port, passant entre les barques de pêche sans les toucher, et vient ranger le quai, à la hauteur de l'hôtel de la marine. Celui que tient la veuve de l'ancien maire, la bienfaitrice et la doyenne de Camaret, Madame d'Orsault. « Tante Rosalie !» crie Garec de sa voix joyeuse. « Je vous amène du monde !» Prévenue, prête comme toujours au devoir, elle s'est avancée jusque sur la cale, suivie de sa fille et de ses bonnes. Elle joint les mains apitoyées. « Oh, mes pauvres gens, comme vous voilà fait! Entrez vite vous sécher et vous chauffer. Il y a grand feu dans la cuisine. Allons, Périne, ma fille, conduis-les !» Puis elle se tourne vers les canotiers ruisselant d'eau de mer, transis de froid. « Et vous, mes enfants, la goutte vous attend. Marie-Ange va vous servir, ne flânez pas. » Certes, non, ils ne flâneront pas. Il leur tarde trop de se débarrasser de leur attirail et d'aller se reposer un peu du rude labeur qui les a broyés durant de longues et mortelles heures. Sur le quai, c'est à qui se disputera les naufragés pour les vêtir, leur donner à manger, les loger. Le boulanger offre son four. Mais tante Rosalie ne veut entendre parler de rien de pareil. C'est à elle que Corentin Garec les a confiés. C'est elle qui veut les héberger, les nourrir, les réchauffer. Tout est prêt pour cela. et son hôtel contient assez de chambres et de lits pour eux tous. Si on veut apporter des vêtements de rechange, elle accepte de grand cœur. C'est la seule chose qui lui fasse défaut. Ils sont une douzaine, tous matelots ou paraissant tels. Parmi eux, un petit mousse qui grelotte et dont les dents claquent. « Dieu, quelle pitié, pauvre gars !» Son cœur saigne. Elle pense immédiatement à l'autre, à celui qui a disparu là-bas en Australie, sans savoir pourquoi ce rapprochement lui vient à l'idée, et, le faisant passer le premier, « Toi d'abord !» Elle lui fait avaler une tasse de vin chaud que sa fille apporte de la cuisine et s'affaire autour de lui comme si elle était sa mère. Ce sont les seuls survivants du vapeur brisé sur les pierres noires, la Perle, un bâtiment de commerce arrivant du Brésil, à destination du Havre. Pris par la tempête en pleine mer de brume, il avait été saisi par un courant au moment où son capitaine, n'osant affronter le terrible chenal du four par un temps pareil, essayait de se diriger sur Brest afin de relâcher, et, porté par la tourmente, était venu s'ouvrir en deux sur la basse large. Quand le canot de sauvetage arriva, la Perle était en partie engloutie, et les 12 hommes qui restaient avaient vu périr sous leurs yeux tous leurs compagnons, y compris le capitaine et le second, emportés par la même vague. On avait pu recueillir ces malheureux cramponnés dans les vergues et à bout de force. Quelques heures plus tard, on n'aurait rien retrouvé. Ils se pressaient autour de la cheminée, à demi perclus, presque inconscients, hébétés par l'atrocité des souffrances supportées, tendant aux flammes des mains rougies et des visages violacés, affreux à voir, avec des yeux où restait comme une persistante vision de cette mort qui les tenait déjà quand tonton Corentin et les hommes les avaient sauvés. Ils écoutaient sans entendre ce qu'on leur disait, riaient d'un rire machinal, frottant béatement leurs doigts encore raides avec des gestes de bêtes heureuses, l'oreille inquiétée parfois par ce gros bruit râlant au dehors et qui semblait les appeler, les réclamer, hurlement fauve de la mer, furieuse d'avoir laissé échapper cette proie. Le premier qui s'arracha à cette torpeur était un homme robuste, les épaules larges, une face creusée par la fatigue, le vice ou la souffrance, avec de clairs yeux bleus et une barbe blonde très épaisse de la même couleur que la chevelure. Il jetait autour de lui des regards étranges, examinant les objets, les figures des gens du pays avec une sorte de persistance gênante. Il écoutait tout ce que l'on disait sans en perdre une syllabe, semblant boire avidement les paroles sur les lèvres des camarétoises et des camarétoises qui s'empressaient autour des naufragés. Mais par instant, une lueur furtive, quelque chose d'amer, de dur, d'acéré, allumait dans son œil une méchante expression. Dès qu'il eut revêtu une vareuse épaisse, un pantalon bien sec, et se fut coiffé d'un béret apporté par un voisin, il manifesta l'intention de sortir, grommelant entre ses dents qu'il voulait voir un peu le damné trou où cette sale mère l'avait jeté. Cela ne fit pas bonne impression. Les gens du pays se regardèrent, ayant l'air de se demander quel bizarre personnage c'était là. Sans doute quelque étranger, bien qu'il s'exprimât parfaitement en français. Au moment où il allait passer le seuil de la porte, Corentin entrait. Leurs yeux se croisèrent. « Hé, l'ami !» fit Garec. « La goutte ensemble, ça vous dit-il » L'autre avait eu un mouvement pour refuser, mais il se ravisa. « Tout de même, et merci, je vous remets maintenant, c'est à vous que je dois la vie. « Oh, oh, à moi et aux autres, allez !» Il insista. « Si, si, je sais bien ce que je dis. Je me laissais aller, j'en avais assez. » Et dans un grommellement confus, ce demi-aveu. « Pour ce que ça va me servir maintenant, la vie ?» Le verre vide, le personnage salua, fit quelques pas au hasard sur le quai, puis, semblant prendre une décision subite, fila du côté du bourg. « Drôle de figure !» remarqua Maradour. « Bah !» expliqua Balanec. « Ça donne un coup, une aventure comme celle-là. Il a l'air un peu toqué, le camarade, mais demain il n'y paraîtra plus. » De temps en temps, l'inconnu s'arrêtait devant une maison, lisait un nom tracé sur une boutique, à haute voix, comme pour l'enfoncer dans sa mémoire. « Bozanec, le Goff, Provost. » Il semblait s'orienter, creuser des souvenirs, reprenant « Le Hir, boucher. Ah, ah, gigot, boulanger. Tiens, mêlard, voilier, tous, tous. D'autres mots étaient mâchonnés entre ses dents serrées. De loin, des enfants le regardaient, le suivaient, attirés par ses allures, leur curiosité flambant sous les cils blonds, dans les grands yeux éveillés, les yeux couleur de mer des Bretons de l'océan. Une jacasserie criarde montait de cette marmaille, avec un tel entrechoquement des syllabes dures qu'on eût dit les croassements précipités d'un vol de corbeau. Arrivé à la rue principale qui débouche sur le quai, entre la boutique du voilier et celle du marchand de tabac, en face même du fortin de Vauban, il s'y engagea sans hésiter, le remonta lentement, dépassa la mairie, traversa la place abritée de grands arbres, atteignit l'église, à l'entrée même du bourg, et gravissant d'un pied nerveux, élastique, la route qui monte fortement, arriva à mi-côte au cimetière dont il poussa la porte. Une sorte d'hésitation soudaine sembla lui clouer les pieds dans le gravier fin qui formait une petite allée centrale, au milieu des tombes semées régulièrement des deux côtés. Machinalement, il avait enlevé son béret, et sa main droite s'était levée à demi, comme pour aller toucher son front, esquissant le premier geste d'un signe de croix. Puis elle retomba, et une amère crispation plissa ses traits. Il examina d'un coup d'œil investigateur l'ensemble des croix, des monuments, croix de bois peintes en noir ou en blanc, dalles de granit, plaques de marbre, simples tertres couverts de gazon, de fleurs. Le cimetière de Camaret se dresse le long de la route qui sort du bourg pour aller à Crozon, avec embranchement vers le Fret. Ses croix, ses tombes se détachent sur la mer et dominent le petit port, dont les barques s'aperçoivent de là, toutes minuscules et charmantes, sous la protection de la pittoresque jetée, avec sa chapelle, son fortin et son phare. La vue est merveilleuse. Ce jour-là, la mer blanche d'écume, le ciel noir, l'eau sombre, le jour baissant de plus en plus, tout prenait un aspect désolé, funèbre. Le visiteur parut en subir l'impression. Il réprima un court frisson en apercevant les vagues qui avaient failli si récemment l'engloutir, l'océan qui lui aurait servi de tombe. Il avança, petits pas, lisant autour de lui les inscriptions. Brusquement, il s'arrêta, tout le sang porté au cœur. Des croix noires entourées de couronnes, de souvenirs pieux, étaient devant lui. Il lisait. Sigi Thomas Guivarc, époux de Madame Perrine Kerivel, décédé le 3 septembre 1878, âgé de 50 ans. Puis, tout près, Sigi Madame Perrine Kerivel, épouse de Thomas Guivarc, décédé le 18 septembre 1878, âgé de 46 ans. Il bégaya d'une voix sourde. Tous les deux, la même année, le même mois, tous les deux. Une larme glissa sur les mailles si dures de ses yeux bleus, une grosse larme qui, roulant le long de sa joue, vint se perdre dans sa barbe blonde. Ses fortes dents blanches mordaient ses lèvres, pendant qu'il restait, tête basse, comme pétrifié, lisant et relisant ses noms, Thomas Guivarc, Perrine Kerivel. Puis, peu à peu, il parut se remettre, se débattre contre l'étouffement qui le prenait à la gorge. Il murmura. « Si longtemps, il y a si longtemps, ils ont attendu des années et rien, toujours rien. La mort, là d'attendre, d'espérer. Oh, la mort! Et moi ?» Son poing crispé se tendit par-dessus les tombes et menaça là-bas la mer, dont le grondement sourd arrivait jusqu'à lui. Il rugit. « Gueuse !» Son regard plus avide fouilla à côté. Une croix blanche s'y dressait, sur un mince et court tumulus d'enfant, tout parsemé de fleurs fraîches. Il eut une exclamation, un cri de terreur. « Encore ! Est-ce que... » Mais il s'interrompit, épelant au fur et à mesure que les lettres frappaient ses yeux. À la mémoire de Jean-Marie Hervé Guivarc, âgé de 13 ans, périt en mer le 13 octobre 1867. Priez pour lui. Il répéta, pensif, « Périt en mer ». Puis, enveloppant les tombes d'un dernier regard, fit résolument demi-tour et regagna la route. Mais, au lieu de rentrer dans Camaret, il se perdit à travers la campagne, allant droit devant lui, gravissant les landes, côtoyant des moulins, des enclos, des champs.